directement des studios du 89.fm à Trois-Rivières. Bienvenue au Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 8 au 14 février 2008. Je m'appelle Mathieu Plante. On va avoir quelques nouveautés pour vous aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait vrai. On va avoir du 4D, on va avoir du Aiden, du Flogging Molly, mais on commence ça par les nouvelles entrées en 15e position. Et du côté francophone, ça s'adonne à être Jean-Philippe. Et voici, je vais prendre mon char au Palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Flogging Molly, Requiem for a Dying Song de leur album Float. C'est une nouvelle entrée en 15e position anglophone. Juste avant, c'était la 15e franco. Elle aussi, une nouvelle entrée. Jean-Philippe et Je veux prendre mon char. On continue tout de suite avec nos 14e positions. Les dernières nouvelles entrées du côté anglophone, c'est Hayden avec Infield and Town. Mais tout de suite, voici 4D. Les morts vivants sifflent et ne sont pas morts. Des bras et le sens à siffler, ce n'est pas vivant. Cache dans les poubelles, pleines de verre et de nourriture souillée. Tourne ta tête et regarde-les venir vers toi, ce sont des renégats. Cours le plus vite que tu peux, tu sentiras que tu vis en ennemi. Le nez te saigne, tu lances des roches. La fenêtre, tu vises les torches. And now you know baby, he said, is what we need to do right now. Cool and breezy, not the words I'd use for how I see us around this uptight town. The electronics swing us down. Now, you know how we feel, like spokes in a wheel of a bike in some field. Oh, we are riding along to the streets before dawn with no sense of what's right or wrong. Aiden avec Infield and Town, une nouvelle entrée en 14e position anglophone. C'est la pièce titre de son nouvel album. Et juste avant, c'était 4D avec la première pièce de l'album, Les Morts, de l'album Les Quanimités. Oui, la pièce s'appelle Les Morts Vivantes Sifflent. Ils ne sont pas morts. C'est la suite du titre. C'est donc les nouvelles entrées. On passe maintenant à des pièces qui ont changé de position, des pièces qui sont stables. Ça bouge beaucoup dans les palmarès, c'est fou. En 13e place anglophone, on va l'entendre Big D at the Kids Table avec la pièce Hell on Earth qui descend de la 11e. Mais avant, on s'en va entendre la 13e francophone qui, elle, monte de 2. C'était la nouvelle entrée la semaine dernière. Voici Rudy Kaya et le Toro. Au palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. C'est la poussière, vide mes tiroirs. J'ai encore de la misère, tout seul à soir dans le miroir. C'est vrai qu'on fait sa chance, tu travailles pas, tu chantes. Des rêves en boucan, à des années-lumière. Y'a même une coupe de fans qui m'écoute dans leur char. Faut pas trop que j'y pense, petite, petite, petite misère. Juste une autre mélodie, juste un autre petit sourire. La mort peut bien courir, moi je me fais juste applaudir. Trois taureaux par les cornes, pour mieux garder la forme. À mourir de rire, mais j'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. Trophées poussiéreux, les journaux déchirés. T'es pas un peu trop vieux? Moi je t'avais oublié, veux-tu te faire une fortune? Non mais j'étais bien heureux. Le plaisir retrouvé, du monde qui veulent juste jouer. Éclairer vos soirées, pour allumer vos étés. Des yeux qui disent merci, je veux plus partir d'ici. Juste une autre mélodie, juste un autre petit sourire. La mort peut bien courir, moi je me ferais juste applaudir. Trois taureaux par les cornes, pour mieux garder la forme. À mourir de rire, mais j'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. C'est fou depuis 10 ans. Let the damn cows move. Let those stupid birds fly. Let the dog sit on the chair. Let the cat shed its long hair. Let the goldfish swim outside. Let the smokers smoke. Let the politicians lie. Let grandma be a bitch. Athletes be filthy rich. Let the stoners get high. Let's make life a living hell. Let's make life a living hell. Let's take everything we know, toss it right out the window. Let's make life a living hell. Let the homophobe be scared. Let the gays and don't care. Republicans steal the dough. Democrats complain more. Let the system let us down. Let Dalton Hesse have his gun. Let somebody shoot him just for fun. Pro-life be carnivores. Pro-choice be whores. Let's never help the bums. Damn cows move. Let the children get abused. Let the goldfish swim outside. Steal from the old and watch them die. Let's make life a living hell. Big D and the Kids Table avec Hell on Earth en 13e position anglophone. Ça descend de 2. Et juste avant, c'était Rudy Kaya avec le taureau qui, elle, monte de 2 places. Vous écoutez les Palmarès, c'est fou, l'émission qui vous présente la musique de demain, aujourd'hui. Là, on n'est-tu pas gentil de faire des affaires comme ça pour vous autres? Avant de continuer les Palmarès avec les positions numéro 12, tournons la page et allons... Parlons un petit peu des choses qui se passent ailleurs dans les palmarès, parce que pour ceux qui sont pas au courant, les palmarès, c'est fou, c'est plus que simplement là, un top 10, top 15, oui, francophone, un top 15 anglophone, c'est aussi le top 10 de la musique électronique, le top 10 loud, le top 3 des disques canadiens, et le top 30 des albums. On va faire les deux premiers pour l'instant. Top 10 électronique, nouvelles entrées, une en 8e, Decade avec Confidential Tears, en 7e, No Sound avec Light Dark, en 6e, L.O.D.O. avec L.O.D.O. Remix, en 5e, Atomic Hooligan avec Sex, Drug and Blah Blah Blah. En 3e, on monte au top 3. Hein. Plus 1 pour Shane Newville avec Formless. En 2e, c'est stable, le Benzen avec Zentronic. Et en première place, ça monte de 2. C'est Destroyed avec Loudspeaker. Top 10 Loud maintenant. En 10e position, c'est une nouvelle entrée, Finsterforce avec Weltoncraft. En 3e position, c'est stable, Lizzie Borden avec Appointment with Death. En 2e, c'est moins 1. En fait, c'était le numéro 1 de la semaine dernière, Metal de Annihilator. Et en première place, ça monte de 7. C'était le 8e, donc la semaine dernière, Pagan's Mind avec God's Equation. On fera le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums plus tard, mais avant. Voici les 12e positions des palmarès, c'est fou. Du côté anglophone, c'est Bob Mould avec Who Needs to Dream. Mais avant, c'est Hot Springs et Phantom Dinosaur. Those are gone. Bob Mould, Who Needs to Dream, en 12e position anglophone. C'est de son album District Line. Juste avant, c'était Hot Springs avec la pièce Fantôme Dinosaure de leur album Volcano dans les palmarès. C'est fou! Tantôt, on était en train de voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Là, c'est simple. On a fait le top 10 électronique et le top 10 loud. Il nous reste le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. Donc, du côté canadien, deux nouvelles entrées. En troisième, il y a Artist of the Year avec Wreck la Discothèque. En deuxième, Madcaps avec Kiss the Lion. Deux très, très, très bons groupes. Steve Hill, même chose. Première place, plus deux. Ça, c'est déjà là depuis quand même longtemps. 16 semaines. L'album s'appelle Devil at My Heels. Top 30 des albums maintenant. Quelques nouvelles entrées. 30e position, Hinterland avec Pan Pan Medico. Et en 29e, Jane Vane and the Dark Matter avec Love is Where the Smoke Is. On monte ensuite à la 15e pour retrouver Aiden avec Infield and Town qu'on a entendu tantôt. En 3e place, c'est stable pour la 21e semaine de présence, The Figurines avec When the Deer Were Blue. En 2e, c'est Steve Hill qui descend malheureusement d'une place avec son album Devil at My Heels. Et en 1e, montée d'une place, petit échange entre les deux, The Hives avec The Black and White Album. On va d'ailleurs les entendre un petit peu plus tard dans l'émission avec la pièce Tic Tic Boom. Mais avant d'entendre Tic Tic Boom, ce qui est beaucoup plus tard, là, si je regarde ma feuille, pas mal plus tard, si je pouvais bien m'exprimer Rinci, hein, Rinci. On est rendu aux positions numéro 11. Shane Phillip est en 11e anglophone avec Good Morning, mais avant, voici Navé Confit et Grunge. Yeah. start. It feels so good to wake up in the morning, catch the sun on the rise, take a walk along the shore, let your senses come alive. Ooh, good morning, be a good day. Shane Philippe et Good Morning, 11e position anglophone, ça monte d'une place. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière et juste avant, c'était Navé Confit avec Grunge qui descend de la 9e. Donc, ça va pas très bien pour Grunge. Hein? Ça monte pas vraiment fort. J'espère que pendant les semaines prochaines, ça va augmenter un petit peu parce que j'ai beaucoup de sens. C'était une phrase qui avait vraiment aucun sens. J'adore! Bon, Navé Confit. On est rendu à nos positions numéro 10 du côté anglophone, c'est The Feminists avec The Beginning of the World qui monte de 4. Ça aussi, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière, mais juste avant, voici Jérôme Minière et Hiver. De retour du travail, le train-train quotidien, ne me dis rien qui vaille, abruti par la lumière, les grands couloirs de métro et l'encre noire du dehors, il y a bien un ou deux rêves. Semblant de trêve, au fond du téléviseur, au fond d'une bière. Encore un autre hiver, encore un autre hiver, encore un autre hiver, encore un autre hiver. De l'extérieur, on n'a pas l'air de ce qu'on est à l'intérieur. On fait tous un peu erreur. Au fond du décor, un animal tropical dans un corps de fonctionnaire. C'est bien dommage de rester en cage avec ma rage comme seul camarade. avec ma rage comme seul camarade. Encore un autre hiver, encore un autre hiver, encore un autre hiver, encore un autre hiver. Les temps sont amers, paranoïa trop familière, quelque chose qui te sert. Il y a bien un ou deux rêves, un semblant de trêve, au fond du téléviseur, au fond d'une bière. Encore un autre hiver, encore un autre hiver, encore un autre hiver. but only ghosts live in the past. Come on, cheer up, little girl. It's the beginning of the world. Come see the pretty flags unfurl. The Feminist, c'est The Beginning of the World, en 10e position anglophone. Ça vient de l'album Can't Scream Loud Enough, et ça monte de 4 places. Juste avant, c'était du côté francophone, Jérôme Minière et Hiver. Ça vient de l'album Cœur, et ça monte de 4 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. On est rendu à nos dernières positions pour cette première heure, c'est-à-dire les positions numéro 9 du côté anglophone, c'est Horror Pops, avec le maintenant presque déjà classique Thelma & Louise, mais juste avant, voici une pièce de téléphérique, le Mirage au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM, dans vos oreilles. Désormais, j'aime tout ce qui est suggéré d'aimer. De ton bord, t'écoutes quoi dire à en parler. J'avance que quand on me laisse passer, tu ne changes rien sans consulter. J'accepte la place qu'on m'a donnée. Épouse les causes qu'on pleure à la télé. J'attends les sondages pour qu'on se range du bon côté. Se faire aimer. drink and give her a smile. Hey, point at chase, wind on my face, I light a cigarette. Engine is roaring and roads are steaming, hearts are glowing, freedom is forever. Angels cannot fall and devils won't be put. We're just gonna drive, skies fly high, no direction, just like Thelma and Louise. Fears left behind, goes on a ride, no cage, just like Thelma and Louise. Music's playing loud, and we're singing along, my best friend and I. Nothing is denied, the sky's our guide, and we cannot be confined, no. Engine is roaring, and roads are steaming, hearts are glowing, freedom is forever. Angels cannot fall, and devils won't be cool. Voilà, c'est déjà la fin de la première heure des Palmarès. C'est fou, on a entendu un incroyable nombre de pièces, 14. Donc voici un petit résumé. Du côté francophone, la 15e, c'est une nouvelle entrée, Jean-Philippe avec Je veux prendre mon char. Même chose pour la 14e, 4D avec Les morts vivants sifflent. En 13e, ça monte de 2, Le taureau de Rudy Kaya. En 12e, c'est stable, Fantôme dinosaure de Hot Springs. En 11e, ça descend de 2, Grunge de Navet Confit. En 10e, ça monte de 4, Hiver de Jérôme Minière. Et finalement, la 9e, on vient de l'entendre, elle monte de 2 places, c'est Téléphérique avec Le Mirage. Du côté anglophone, les nouvelles entrées en 14e et 15e. On commence par la 15e, pourquoi pas. Flogging Molly avec Requiem for a Dying Song. En 14e, c'est Infield and Town de Aiden. En 13e, ça descend de 2, Hell on Earth de Big D et de Kid Stable. En 12e, plus 1 pour Who Needs to Dream de Bob Mould. En 11e, ça monte d'une place, Shane Phillip et Good Morning. En 10e, plus 4 pour The Feminists avec The Beginning of the World. Et en 9e, ça monte de 6, quand même, Horror Pops et Thelma and Louise. C'est ce qui vient de jouer il y a quelques secondes à peine. Dans la deuxième heure des Palmarès, c'est fou, on va entendre des choses très variées. Oui, c'est vrai. On va peut-être entendre Alexandre Champigny, Samian, Trico Machine, El Motor, Artist of the Year, Madcaps, Agua de Yannick, Coheed and Cambria. Et on révélera nos grands numéros 1 de cette semaine. Parce que la semaine dernière, si vous n'étiez pas là, eh bien, les numéros 1, c'était les Psycho Riders avec les cafards du côté francophone. Et du côté anglophone, c'était Steve Hill avec Devil at My Heels. Est-ce que ça tient? Il va falloir rester avec nous jusqu'à la fin pour le savoir. Au Palmarès, c'est fou, l'émission qui vous fait entendre un condensé de ce que c'est fou le meilleur à vous offrir. Au 89.fm, restez avec nous. Bon, retour, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 8 au 14 février 2008. Je me nomme toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, on va commencer par les huitièmes positions. On se rend jusqu'au sommet dans deux heures de ça. Il va falloir rester avec nous jusqu'à la fin pour savoir qu'est-ce qui est en haut de cette montagne qu'on appelle les Palmarès. Et il va falloir aussi rester là pour la célèbre émission La dernière porte à gauche, les vendredis soirs à 20h. Voilà. Huitième position du côté anglophone, c'est Artist of the Year. Vous les connaissez, vous les aimez avec la pièce Fun Factor. Mais juste avant, voici Tricot Machine, une histoire de mitaine. Vous aimez, vous aussi, vous adorez. J'avais un trou dans le pouce et j'étais carotté. Je me suis retrouvée dans ce lodge, la gratte venait de passer. Tu comptais sur cinq doigts et tu étais gauché. Tu es tombé d'une poche sur le trottoir glacé. J'ai failli me noyer, pour te faire écraser. Mais des passants dévoués nous ont accrochés. Moi sur un parcomètre, expiré mais quand même. Pour toi, ce fut plus dur. Sur un pic de clôture. C'est juste une petite rengaine, plus ou moins réussie. Une histoire de mitaine, plutôt mal assortie. Une histoire comme je les aime, toutes effilochées. Avec un happy end qui vient tout rattraper. Je te faisais des tatas de bord en bord de la rue. Tu faisais ton tarla comme si t'avais rien vu. Une main m'a ramassé en fin d'après-midi. Poursuivant son chemin, elle t'a pris toi aussi. T'as mouillé en tapant dans un sac d'épicerie. Laine et contre-cuir, tu m'as enfin souri. J'ai vu que t'étais pas con. Vu que j'étais droitière, on a séché ensemble sur le calorifère. C'est juste une petite rengaine, à moitié réussie. Une histoire de mitaine, plutôt mal assortie. Une histoire comme je les aime. Avec un happy end qui vient tout rattraper. Je le sais que c'est qu'elle t'aime, mais c'est l'histoire qui me vient. Il va quand on se promène, tu me tiens par la main. Artist of the Year. Avec Fun Factor de son album, en fait de leur album, c'est un band, Wreck la discothèque, ça c'est la 8e position, ça monte d'une place et juste avant, c'était Tricot Machine avec une histoire de mitaine qui descend de la 2e position. Leur album est éponyme, c'est bien triste de voir Tricot Machine descendre aussi vite de 6 places. On est rendu à nos 7e position, mais avant, regardons un petit peu les albums qui se sont le plus vendus la semaine dernière au Canada, en fait c'est pour la semaine qui se termine le 7 février. 25e position, quelques nouvelles entrées, Airborne avec Running Wild, en 21e, Elvis Presley, Love Elvis Collectors. En 18e position, Daniel Desnoyers avec Live at Pacha Club Egypte. Mm-hmm. En 16e, la trame sonore de High School Musical. En 14e, Bullet for My Valentine avec Scream Aim Fire. En 13e position, une autre nouvelle entrée, Oxley Workman avec Between the Beautifuls. On monte en 6e pour retrouver The Mars Volta avec Bedlam and Goliath. Ensuite, en 4e, une nouvelle entrée, Sarah Brightman avec Symphony. Top 3 maintenant, en 3e position, c'est la trame sonore du film Juno. En 2e, c'est une autre nouvelle entrée, et la compilation de nominés aux Grammys. Ça, c'est l'édition 2008. Et en première position, c'est aussi une nouvelle entrée, Protest the Hero avec l'album Fortress. Ça, c'est pour la semaine qui termine le 7 février 2008. C'est encore écrit 2007 sur le site de Nielsen Soundscan. C'est très, très beau à voir. Ça, ils écrivent les noms à l'envers ou ils écrivent pas les noms des albums au complet. Mais bon, que voulez-vous? Tantôt, on parlera des pièces qui ont été le plus vendues sur iTunes. Mais avant, on est rendu aux positions numéro 7 du côté anglophone. C'est Coheed and Cambria avec Feathers. Mais juste avant, voici El Motor. Ideal El Seso. El Motor. Au palmarès, c'est fou. La musique de demain, aujourd'hui, au 89.1 FM. Ben, c'est dans vos oreilles, ça. Oui. We'll be right back. Coheed and Cambria avec Feathers en 7e position anglophone, ça monte de 3 places. Et juste avant, c'était El Motor avec Thea del Cesso qui monte d'une place. C'est bien leur album éponyme. 3e semaine de présence pour cette pièce qui n'est certainement pas la première et certainement pas la dernière de l'album de El Motor sur nos palmarès. On est rendu aux 6e position du côté anglophone. C'est Agua de Anik avec Witnesses qui monte de 2. Mais juste avant, on va entendre une pièce de Samian qui s'appelle La paix des braves. Et ça, c'est la 6e francophone. Ça monte d'une place et c'est dans les palmarès. C'est fou au 89.1 FM. Dans une ville appelée Kabak, lieu de débarquement, mes ancêtres ont fait leur pack-sack pacifiquement sur l'année canard, en route au nord du Canada. Sambian autolocasse, il était temps que l'union se fasse. Qu'on remonte la vraie histoire pour qu'on puisse y faire face. On veut mettre un point entre les nations, confondre la culture, ignorer les préjugés, laisser parler la nature. La barrière entre les peuples, on veut plus la casser. On en a plus cassé, on est placé pour parler. On remonte le temps dans le pantalon de Christophe Colomb qui découvre l'Amérique et tous ces peuples qui y habitent. On était pacifiques, et encore même aujourd'hui, un homme blanc sur l'Atlantique qui rêvait de faire son pays. On fume le calumet de paix sans rancune, on est capable de rester vrai même si on porte plus de plumes. L'union de nations freine l'ignorance, pousse les connaissances avec un peu de reconnaissance. Mon histoire et la tienne, ça fait deux. Je fais partie de deux peuples, donc je finirai comme l'un d'eux. Ouais, à la collée, on débarquera parce que cette année, on a décidé de se métisser parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Papa with you will be my AG, Mashka with Yak, Mashka with Yak, Yao Yago Yak, Yao Yago Yak, et Kiken Bakos Yak. Stop et l'ensemble, on sait le bac. De l'Europe à l'Amérique, j'ai traversé l'Atlantique. À cette époque épique, au pays du porc épique, la maladie du scorbut, score est droit au but. Et c'est aux Premières Nations que je dois ma guérison. Raquette, canot, boucan, tisane et topagane. L'authentique autochtone enseigne à haut profane. La science de la savane, ça se soucie qu'en filigrane. La soutane méga. L'homme allait lui casser le crâne. Pour les Amérindiens en Amérique, il y a deux choix. Soit on les abat comme au CETA, ou bien soit qu'on les réserve comme au Canada. Les réserves ou abat, le problème demeure le même. Car tombent une à une les quilles de leurs emblèmes. Ah, les visages pâles peuvent bien devenir blêmes. Désolé pour le passé, à présent qu'est-ce qu'on fait? Allume le calume, mais qu'on fume pour la grande paix. Hashtag nos anacolés, on débarquera parce que cette année on a décidé de se métisser parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Hashtag nos anacolés, on débarquera parce que cette année on a décidé de se métisser parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Papa, with you will be my AG, Mashka with Yak, Mashka with Yak, Yao Yago Yak, Yao Yago Yak, et Kiken Bakos Yak. Stop et l'ensemble, on sait le pacte. J'm'excuse si j't'existe, tu meurs pas. Ou si oui, ta mort est exquise. Pas d'accent, on t'plume pas. On t'préserve dans l'alcool, on t'fume dans l'tabac. J'appelle ça de la taxidermie. La quoi? Parle-en à René Dupuis-Morancy. Chris, l'ignorance crasse me laisse un goût rancy. Vite, faut que j'me rince sous les chutes, Montmorency. Oui, maman, oui, je me souviens que nous fûmes les premiers touristes dans ce pays qui paye à sa survie, à rendre ses esprits qui ont le souffle court. Et nous, les cœurs, c'est pris. Trop pris, tellement pris qu'ils sont farma pris. Ah ah, le karma crie, Algonquin, Innu, Atikamek du Québec. Si on allumait le calumet, qu'on fumait pour la grande paix. Nos anacolés, on débarquera parce que cette année on a décidé de se métisser parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Nos anacolés, on débarquera parce que cette année on a décidé de se métisser parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Papa, with you will be my AG, Mashka with Yak, Mashka with Yak, Yao Yago Yak, Yao Yago Yak, et Kiken Bakos Yak. Papa, with you will be my AG, Mashka with Yak, Yao Yago Yak, et Kiken Bakos Yak. Stop et l'ensemble, on sait le pacte. Kitsu Mashka with Imoganessa, Gidanishinabe, Oadizun. Vous êtes au palmarès, c'est fou, on est rendu à la position numéro 6 anglophone. Voici Agua de Anik et Witnesses au 89.1 FM. Où ça? Dans vos oreilles. c'est là qu'on est. Guadeanic avec Witnesses en 6e position anglophone, ça monte de 2 places. Et juste avant, c'était Samian avec La Paix des Braves, ça monte d'une seule place, 3e semaine de présence. L'album, c'est Face à soi-même. On est rendu aux 5e position, déjà que les choses avancent vite quand j'anime les palmarès seul, n'est-ce pas? Avant de continuer, tiens, regardons un peu les pièces les plus vendues sur Apple iTunes. Très très belle place pour télécharger de la musique, très belle place pour savoir ce qui poigne aussi. C'est pas nécessairement des choses qu'on jouerait assez fou par contre. En 5e position, on retrouve Chris Brown avec With You. En 4e, c'est Sarah Barry avec Love Song. En 3e, Don't Stop the Music de Rihanna, que Virginie chantait, s'il était là. En 2e, Low featuring T-Pain de Flo Rida. Et en première place, c'est Yael Naim avec New Soul. Voilà pour les pièces les plus téléchargées sur iTunes en ce moment. On est rendu aux 5e position de nos palmarès, c'est fou parce qu'on vous présente un condensé de ce que la station a de meilleur à vous offrir. Vous savez, à chaque semaine, on reçoit tellement de nouveautés et il y a tellement de choses qui finissent par se faufiler là à travers les animateurs de C'est fou et ça devient super populaire et puis ça rentre dans les palmarès. Ça devient gros là, c'est gros, très gros. Cinquième position anglophone, c'est Madcap, c'est une formation locale avec Surrender, mais on commence par Alexandre Champigny. Voici Avec ton sourire dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM à Trois-Rivières et sur CFou.ca partout dans le monde. C'est gros. En classant mes souvenirs, j'ai trouvé sur le dessus ton image aux yeux perdus. Avec ton sourire, ton sourire. Pas bien loin de cette image, je t'ai vu à 19 ans, à mon bras le nez au vent. Avec ton sourire, ton sourire. Sur le gris de l'eau, sur le blanc de la neige, sur la soie d'un jour en bateau et sur le sable beige. Ton image était partout, mais voilà, je n'ai plus qu'elle. Toi tu es. Ton sourire, j'ai attendu, mais jamais tu n'es venu. Avec ton sourire, ton sourire. J'ai quitté le paysage qui s'était fané sans toi, et je vais droit devant moi. Yeah. Les cinquièmes positions des palmarès, c'est fou, Madcaps avec Surrender qui monte de deux places. Et juste avant, c'était Alexandre Champigny avec la pièce Avec ton sourire. Ça monte d'une place, cinquième semaine de présence. Et son album, c'est Bouddha Ciné Roll. On est rendu aux quatrièmes positions. Et dans quelques minutes, j'ai le plaisir de vous apprendre que je serai en compagnie des gars de Vidon Ladon La Question. Ça va être génial. Vidon Ladon La Question. Carlin, qu'est-ce qu'on va bien vider comme question? Au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM, dans vos oreilles. Que ma vie se déroule sans moi. Tous les beaux moments, je ne les goûte pas. Celui qui vous passe est un autre que moi. Si je suis vivant, eh bien je ne sais pas. Où que j'aille, je ne suis jamais à ma place. Mes sourires ressemblent plus à des grimaces. Et porter un masque, je trouve ça dégueulasse. J'en ai plus qu'assez de traîner ma carcasse. Oui, je sais les oiseaux chanter, les filles sont belles. Et j'avais des rêves grands comme des gratte-ciels. Mais les choses maintenant ne sont plus pareilles. Bientôt sera venue l'heure du grand sommeil. La lune est pleine, je pleure comme une fontaine. Couché à côté de l'auto américaine. De mes parents, je suis sûr et qu'ils m'aimaient. Mais le monoxyde commence à faire effet. Set you free, and it's my love. befalls you, don't let them bring you down. Love can't cure your problems. You're so lucky that I'm around. Let my love open the door. Let my love open the door. Let my love open the door to your heart. To your heart. Oh, to your heart. To your heart. Ben voilà, ça c'était nos positions. Avec Sundry Lurky, pour commencer, hein? Parce qu'il vient tout juste de jouer. On dit tout ça d'avance, il me semble que ce serait pas pire de dire qu'il vient de jouer. Sundry Lurky avec Let My Love Open the Door en quatrième, ça monte d'une place. Juste avant, c'était le Husky. Et Je vous aime, mes amis, ça monte aussi d'une position. Et là, je suis en compagnie des gars de Bidon à Don en question. Il faut que je les amène avec moi. Ils sont trop drôles, ils sont trop fins. Bonjour les gars. Quelle traduction de On est arrivé, on s'est fait des grosses accolades là, ici. Ah, là. Oui. Dans toute la chaleur là, des studios de C'est Fou. Ah oui, mais bonsoir à Trois-Rivières. Yeah! Yeah! Yeah! Hey, on est content d'être ici, live. Oui. Oui, merci Mathieu de nous recevoir, c'est bien gentil. En plein milieu de ton palmarès, les gens qui sont là pour écouter de la bonne musique. Puis nous qui arrivent, qui disons salut. T'es. Comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Comme un cheveu sur la soupe, et voilà. Mathieu Saint-Onge de Carchambault. Oui. C'est le nom de ces célèbres bonhommes là, qui animent Bidon à Don la question les mercredis à midi, entre autres. Ah, c'est bon. Vendredi à 9h et le samedi à midi pour l'instant. Mon Dieu. Il connaît les heures par cœur. Ben oui, mais écoute, on est tellement choyés, on se trouve tellement chanceux d'être diffusés sur vos ondes que, ben, évidemment, par respect, on va savoir quand est-ce qu'on est diffusé. Hein. c'est le fun. Quand même. Avant de continuer de placoter avec vous, on va écouter un petit sketch. Oui, c'est le sketch qu'on vous a envoyé et sur lequel votre directeur est tombé dessus et qu'il a tombé probablement après... En amour avec. En amour avec là. Et qui a fait qu'on dit, bon, ben, on va les faire passer, ces gars-là. Et c'est un sketch qui s'appelle... En direct du medley, les Chinois contre les Kurdes. C'est ça. Donc, si tu veux bien, Mathieu, on d'accord. Va... Allons entendre. Aujourd'hui, Vidon la don la question vous fait découvrir un sport. On est en direct la passerelle du medley qui accueille ce soir les huitièmes de finale de la compétition de masturbation mâle à relais qui, cette année, oppose l'équipe chinoise à l'équipe kurde. Je suis avec Marc, notre analyste sportif. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Marc, quel genre de match doit-on s'attendre à voir ce soir? Écoute, Luc, on devrait assister à de la très bonne masturbation mâle à relais. Ça s'annonce pour être un match serré. Oh, Marc, je dois vous interrompre. Je pense que c'est l'entrée des joueurs. Oui! Oh, les joueurs qui rentrent, qui prennent place, écoutez rapidement. J'en profite pour vous expliquer les règles du jeu. Les Kurdes porte encore la cagoule cette année. Oui, donc on a deux équipes qui sont formées de 5 joueurs assis, les mains dans le dos et alignés les uns à côté des autres. Au signal de départ, les deux premiers joueurs de chacune des équipes commencent à se masturber. Une fois que le premier joueur a éjaculé, le deuxième peut commencer sa masturbation. Donc on comprend le principe, on se donne le relais et c'est la première équipe qui termine qui gagne. Luc, les masturbateurs viennent de baisser leur culotte. Ils vont commencer dans quelques instants. Alors attention... Le fusil est en l'air. Le signal de départ est donné. Les deux premiers masturbateurs sont lancés. Oh, le Chinois, très rapide, en tout crispé. Je donne la faute, tandis que le Kurde semble beaucoup plus relâché. Je suis prêt à parier que le Chinois va venir en premier. Attention, là, ne nous énervons pas. Ces deux techniques qui portent leurs fruits, qui sont différentes. Les Chinois, technique assez vigoureuse, très cérébrale. Tandis que les Kurdes, eux, préfèrent y aller de façon plus langoureuse avec leur cœur. Mais attention, Marc, le Chinois vient. Suivi du Kurde. C'est 1-1. Et le deuxième Chinois, Marc, se masturbe exactement de la même façon que le premier, un coup de poignet très, très, très rapide. Oui, Luc, t'as vu juste, les deux premiers veneurs chinois sont des cousins et c'est, paraît-il, un grand-oncle qui les a entraînés. Mais le deuxième chinois vient! C'est 2-1! La Chine prend les devants et wow! Le troisième chinois s'est à peine touché qu'à éjaculer. Oh, ça, c'est zigne. Il est surnommé dans le vestiaire la comète chinoise. C'est un jeune veneur recru à surveiller dans l'avenir. Et là, je vois dans le visage du deuxième Kurde que ça s'en vient! Et voilà! C'est 3-2! Les Kurdes reviennent dans le match. Le spectacle est incroyable! L'ambiance est survenue. Le Chinois qui vient! C'est 4-2! Il va falloir que le Kurde fasse ça vite. Mais attention, Marc, je le sens qu'il vient. Et voilà! Le Kurde est venu! C'est 4-3! Rien n'est perdu pour les Kurdes! Le dernier relayeur chinois qui donne un dernier effort. Mais le Kurde recule! C'est 4-4! L'égalité est créée! Le dernier Kurde s'en va dans son pénis, donne quelques coups. Et il vient! Victoire pour les Kurdes! Qui l'emporte à l'arraché par la marque de 5-4? Et wouh! C'était moins une! car le Chinois a éjaculé immédiatement après le cure. Oui, comme on peut le voir ici sur la reprise vidéo, l'écran géant du medley nous montre au ralenti le dernier coup de poignet de Zana, le dernier veneur kurde. Quelle grâce! Un veneur au sommet de son art, Marc. Il a maintenu une moyenne d'éjaculation inférieure à 5,4 secondes tout au long de la saison. C'était un défi de taille de se mesurer aux Kurdes, mais les Chinois ont quand même bien fait. Ils ont fait une très belle performance, d'autant plus que pour les Chinois, c'est assez compliqué de s'entraîner, car en Chine, comme on le sait... Le gouvernement chinois qui est tellement répressif envers les masturbateurs morts à la relève. C'est vraiment pas drôle. Pas écoute, Luc, juste compter une petite anecdote si on a le temps. Rapidement. Lors de mon dernier voyage en Chine, j'ai tapé sur Google « masturbation mâle à relais ». Et puis? Je n'ai rien trouvé pantoute. Fallait s'y attendre. Et là, écoutez, il y a les joueurs qui serrent la main. C'est beau de voir ça. Écoutez, on prend une courte pause et on vous revient tout de suite après. Vous êtes au palmarès, c'est fou, on vient d'entendre un sketch de Fidon là-dedans la question. Je suis en compagnie de Mathieu Saint-Onge, Luc Archambault, les animateurs, concepteurs et producteurs. Réalisateurs, recherchistes, auteurs, compositeurs, interprètes. Et voilà, oui, c'est ça, de ce que vous venez d'entendre. C'était quoi ce sketch? Ben, en fait, ça, c'est un sketch qu'on a écrit en 2006. On voulait faire un démo pour la radio satellite XM. Et à ce moment-là, on avait conçu un sketch qui était basé sur les Out Games, donc les Jeux olympiques gays qui avaient lieu en 2006. Et donc, on s'était cassé la tête à essayer de trouver là, des disciplines homosexuelles. Et on est arrivé avec l'idée de masturbation à relais qu'on a présenté comme démo. Finalement, ils nous ont pas pris. Mais ouais, tant mieux, sinon on aurait déjà perdu notre job. Ben, en tout cas, parce que XM, ça n'existe plus. Mm-hmm. Parce que... Ça va pas bien. Ça va pas bien. En tout cas, reste que ce qu'on a décidé de faire, c'est reprendre ce sketch-là parce que les gens l'avaient trouvé très, très drôle et de le reniper, de le resserrer. Donc, en 3 minutes et demie, tout le monde est venu. Puis, avant, ça prenait 5-6 minutes avec tout le monde vienne. On s'étendait sa vie des joueurs. Puis... Non, c'est ça, à ce temps, ils ont mis du Spanish Fly dans leur Gatorade. Oh. Puis, ouais. Donc, c'est inspiré des Out Games, ce sketch-là. Vous n'êtes pas toujours aussi vulgaire, là. Non. Ça nous arrive. Ben on est, je dirais qu'on est très orienté vers ça parce qu'on a eu des problèmes tous les deux dans l'enfance. On se dit qu'on a passé à travers. On a eu notre thérapie par la radio. Bon, oui, dans nos premiers moments, ben gros, des gros mots, des affaires de très, très, très pipi caca ou organique, tout ça. Mais on l'est de moins en moins. Mais on aime ça beaucoup voguer dans l'absurde aussi. Mm-hmm. Puis c'est ça, aller dans des sujets, je dirais presque pas intello, là, mais. Faire des grosses recherches sur des thèmes politiques, sociaux, des fois. De quoi que l'émission qui passe cette semaine, assez fou, est basée sur guérir par le son. Oui. Donc, en fait, c'est pas mal plus des gens là, qui ont... C'est plus absurde et il n'y a absolument aucune vulgarité. Donc, c'est un gars qui lui, quand il enlève son soulier, ça fait une grosse distorsion. Puis, il y a le technicien de son qui a pogné le feedback. Là, chaque fois qu'il parle, un gros feedback. Donc, il y a quand même la téléphoniste qui rote avec une tonalité dans le gorge. Il y a quand même la téléphoniste qui rote, oui. Mais quand même, c'est moins... c'est pas nécessairement tout le temps vulgaire. Là c'est clair, mais c'est quand même assez drôle. Ça peut être des sujets de société. Là. Ça peut être le pamphigus. Oui, le pamphigus. Oui. Hein? Ces maladies méconnues qui suscitent la peur. Et nous autres, on essaie... En fait, c'est de l'humour pédagogique. On essaie d'en apprendre aux gens pour... c'est qu'ils soient plus à l'aise envers certains tabous. Sur la diarrhée, des fois. Mais la gastro, c'est clair. Tout à fait. Oui, mais ça peut être si pire que ça, là, quand même. Mais non. Mais des fois, ça informe aussi. Hein, il y a l'émission sur le noise. Oui, sur le noise. Oui, c'est vrai. On aime beaucoup l'électroacoustique et tout ça. Donc, on a fait du noise à radio puis tout ça. Puis c'est que quand on est dans l'humour, pour faire rire tout le monde, il faut que tout le monde connaisse le sujet. Mm-hmm. Souvent, les humoristes vont dire, OK, par exemple, les relations hommes-femmes. Ça, c'est facile. Tout le monde connaît ça. Tout le monde a eu une relation homme-femme, quasiment. Tandis que le noise, il faut qu'on en apprenne aux gens avant de pouvoir faire des jokes dessus, sinon ils ne trouveront pas ça drôle. D'où l'importance d'aller vulgariser des concepts et ensuite d'aller faire des jokes. Comme par exemple, il y a un sketch qu'on a fait sur le triton. Donc, on a fait un spécial sur spécial horreur dans le temps des fêtes. Mm-hmm. Et là, on enseignait aux gens c'était quoi le triton qui se trouve à être un intervalle de 3 notes entre 2 notes en musique. Et c'est un intervalle qui était considéré comme étant l'intervalle du diable. Donc, les musiciens, lorsqu'ils jouaient un triton, ils étaient damnés, ils étaient en enfer. Donc, on a fait un sketch là-dessus. Pour que ce soit drôle, faut comme qu'on peut même quasiment l'écouter si tu veux. Là. C'est le dernier sketch sur le CD. Absolument, Mathieu. Et c'est fin, ça. Ben oui, c'est le dernier. Et on l'écoute là. Et voilà. Vidons là dans la question. Au palmarès, c'est fou. Oh! Dans le cadre de cette émission sur l'horreur, on va maintenant vous parler du Triton, aussi appelé Diabolus in Musica, soit le diable dans la musique. Qu'est-ce que c'est le Triton? Eh bien, c'est le nom qu'on donne à un intervalle de 3 tons en 2 notes de musique, donc d'où le nom Triton. Et ça, ça se trouve à être une quinte diminuée, ou encore, si on veut, une quarte augmentée. Oui. Et c'est à la fin du Moyen-Âge que le triton devient un intervalle associé au diable. Hein, il devient donc systématiquement évité par les musiciens. Et malheur aux pianistes qui osaient faire un triton en jouant du piano dans une église à cette époque. C'est un pourfendeur du Christ! Brûlez-le! Évidemment, ce genre de situation-là ne se produit plus aujourd'hui. Imagine ça, toi, que le triton serait encore banni de nos jours. Quel genre de situation que ça pourrait donner? Mesdames et messieurs, vous les attendiez, Tricomachine! J'ai souri la peau d'un petit ours. Mais son cœur, je l'ai pas volé. Mathieu, t'as fait un triton! Mais c'est pas de ma faute, c'est à cause que c'est mes doigts qui ont vu ça. Espèce de maladroit, qu'est-ce que t'as fait? Là, regarde, c'est toujours toi qui cherches la chicane. Mais là, je voulais pas le faire. Regarde, tout le monde sont en calvaire après nous. Brûlez-le! Non, c'est lui qui l'a fait, le triton, brûlez-le lui. Catherine! Autre sketch de Fidon la dernière question dans les palmarès, c'est fou. C'était toujours drôle. Toujours drôle. Ben, je sais, hein. Une joke de Tricomachine, ça passe toujours bien. Ben oui. Ça arrête-tu d'être drôle des fois, évidemment, non? Ça nous arrive d'être drôle? Ça arrête d'être drôle. Ben, c'est arrivé, on a fait une émission sur la dépression. Oui. Puis c'était. Ben, en fait, c'était drôle, mais c'était pas drôle. En fait, ce qu'on a fait, moi et Mathieu, on a un passé de sondeur. Donc, on a téléphoné des gens et on leur a posé la question: qu'est-ce que vous pensez que le pire problème dans notre société? Les gens, étonnamment, se sont beaucoup livrés. Et on a pris des extraits de ces témoignages-là avec une chanson très, très triste, avec un bruit de femme qui pleure. Puis le monde était là: vous voyez bien que la planète fout le camp. Ils ont pris ma soeur, puis ils ont fait faire des expériences sur elle. Elle avait une maladie, elle grossissait, puis ça finissait plus. Puis elle voulait se suicider. Les vieux, les clous d'un litre avec des pilules, je sais qu'à ce que je parle. Puis là, il y avait une toune en arrière. Le monde qui braillait. C'était bien doom. C'était très intéressant quand même. Bon, on a réussi à faire des farces avec la dépression, mais quand même, c'est groundé dans une espèce de réalité qui est quand même importante à rendre. Donc, oui, des fois, ça arrête d'être drôle. Ça arrête d'être drôle. Parce qu'on aime ça aussi créer des œuvres radio. Ouais. Puis ça peut toucher, ça peut choquer. C'est pas obligé d'être drôle non plus. Ça peut être un récit qui amuse ou ça peut arrêter d'être drôle. On reviendra avec les gars de Vidon dans la question un petit peu plus tard. Ils vont rester avec nous, là. Oui. On s'en va entendre les positions numéro... on est rendu, en fait, aux positions numéro 3 déjà. OK. Wow. Ça avance tellement vite. On arrive, puis on y a rien que le meilleur. C'est ça. Quel meilleur pour la fin. On s'en va entendre Figurines avec Eager, mon précédent ça de Kid Sentiment. Voici Sabrina au palmarès, c'est fou, au 89 FM, c'est dans vos oreilles. open your mind. And open your mind in a cheap suit. Dum, do do, dum, do do, dum, do do. C'est la troisième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 8 au 14 février 2008. Un peu en retard, hein? On suit pas tellement le plan, mais on aime ça, on est avec les gars de Vidon et allons à la question. Oui! Ce qui fait que c'est le chaos en ondes. It's the chaos total! Et le régisseur ne sait plus quoi faire. Je capote! Non, c'est pas vrai du tout. On se range qu'au numéro 1 d'ici la fin de l'émission, dans à peine 50 minutes. D'ici là, on va parler avec les gars de Vidon et allons. On va écouter des sketchs de Vidon et allons. Yes! Mais tout de suite, ce qu'on va faire, c'est entendre la pièce de Figurines, la bonne, la A-Girl. Et c'est pas la bonne, cette tournée. Ah, c'était pas la bonne, tantôt. C'était The Air We Breathe. Ah. C'était une pièce bonus, là. C'est parce que j'aime ça. OK. C'est ça. On découvre, on découvre. Long way home, you were right and I. Hey girl, de la formation Figurines, c'est la position numéro 3, c'est stable, 8e semaine de présence, leur album When the Deer Were Blue, et juste avant on a entendu une pièce bonus, The Away Breathe de Figurines. Ça arrive des choses comme ça, vous faites votre émission, vous la montez. Oui, oui. Comment ça fonctionne, comment vous faites Vidon Ladon la question? Le processus total là, de Vidon Ladon. Ça commence par une idée fuckée. Ouais. Ben, l'idée, c'est ça prend une idée de base. Ensuite de ça, on fait un brainstorm commun. Mm-hmm. Ensuite de ça, Mathieu va chez eux, je vais chez nous. Puis là, on a une vie pendant un petit bout de temps. Ensuite, on appelle Marco, qui est le gars qui nous vend du crack. Ensuite, on chauffe la pipe, on réécrit tout. On lit tout, puis là, on capote. Puis là, on trouve nos idées. On s'en va chez nous, puis là, moi, j'écris de mon bord, Mathieu écrit de son bord, on arrive ensemble, on regarde tout ce qu'on a, on fait une belle liste, on fait un gros plan, on réécrit, on réécrit, et une fois que tout est écrit comme il faut, on joue. Une fois que tout est joué, Mathieu s'en va de son côté, je m'en vais de mon côté, on fait du montage, on met ça en commun, puis on repasse en arrière, on s'assure que tout est beau. Et puis dans tout ça, on trouve des chansons, là, sur LimeWire, des fois, de belles découvertes. Vous avez souvent des pièces qui ont rapport avec le thème de votre émission. On aime ça, c'est LimeWire. Tu sais, on fait une émission sur les mers, on tape maman. On fait une émission sur les écoles, on tape récréation, cours d'école, strap. C'est plus facile que je pensais. Je pensais que vous aviez en tête des pièces, ou peut-être que les pièces vous inspiraient des sketchs, peut-être. Non, mais des fois, ça arrive. Aussi, c'est ça. On va faire probablement bientôt, je dirais peut-être dans le prochain mois, une émission sur l'intolérance raciale. Oui. Puis ce qui nous est venu comme. C'est une chanson qui nous a inspiré pour ça, une chanson de Cyrano de Montréal qui dans une chanson va expliquer tous les termes de slang, ce qu'ils veulent dire. si je te dis comment qu'il dit donc Yobé, what's up? Yogé, what's up? Ça veut dire, t'as-tu du weed? Puis, tu sais, il explique toute la slang. Ouais. Puis, là, nous autres, on va faire un sketch où est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprend tous ces mots-là par cœur et qui essaie de s'intégrer dans une gang. Tu sais, comme quelqu'un qui a vraiment pas une attitude de noir, là, puis dit Yogé, what's up? What's up? Je comprends pas, là. Ça. Le goût d'être gelé, là, moi, là. fait que des fois, c'est des chansons qui nous inspirent ça. Mm-hmm. Puis, quand on fait de l'écoute, puis qu'on remarque qu'il y a des chansons qui sont thématiques, on les prend en note. Puis, là, on se dit, ah oui, si jamais on a une émission sur le jeu compulsif, IAM parle des problèmes de jeu compulsif ou des affaires. Exactement. Ça fait combien de temps que Vidon Ladon la question existe? Ça fait 2 ans et demi. Oui. Ça fait depuis... en fait, moi, j'ai commencé tout seul à faire Vidon Ladon. Mai 2005. Oui. Et Mathieu s'est joint à moi vers la fin de l'été. Oui. Donc, le concept, les deux ensemble, ça fait depuis août 2005. Question Kétan, qu'est-ce qui vous a rassemblé? Le cégep. On a été au cégep ensemble, puis on a tous les deux étudié en arts plastiques. Luc est plus âgé que moi, donc il n'était pas dans la même année. Mais Luc est revenu au cégep pour venir faire des toiles encore dans l'ambiance du cégep de Saint-Laurent, dans l'ambiance de hippie, de laisser-aller, de libertinage. Et on a bien gros trippé ensemble. On écoutait Pierre Mailloux, Doc Mailloux. Puis Roger Drolet aussi, qui est un animateur assez cassé, là, qui était... Ça n'avait pas de bon sens ce qu'il disait, ce monsieur-là. Puis, en tout cas, je ne pense pas sur Drolet. Non. Mais, en tout cas, mais reste que... Les femmes, faut qu'ils fassent le ménage! T'es inscrit dans le cosmos! Ah, ça n'avait pas d'allure, c'est bien, monsieur. Et reste que... nos chemins se sont un peu séparés après le cégep. Et moi, je me suis mis à écrire des chansons humoristiques, à faire de la radio. Et il y a eu un moment donné, un moment où je faisais des chansons. J'avais écrit une toune qui s'appelait « Faire l'amour aux animaux, c'est pas gentil ». Et là, bon, j'expliquais que c'était pas gentil de faire ça. Puis Mathieu, il était dans la salle, puis il m'a entendu chanter ça. Puis une fois que la toune a été finie, il s'est levé. Puis là, il est allé devant tout le monde, il a pris le micro. Je voulais juste dire que ça m'a beaucoup touché, cette chanson-là. Après le show, ben là, je suis allé le voir, je suis allé parler. Puis je lui ai dit, ben écoute, faudrait qu'on fasse de quoi ensemble. Puis c'est ça que ça donnait. Je savais que les gars de Vidon Ladon la question, Mathieu Saint-Onge, Luc Archambault, on placote comme ça l'émission qui est diffusée le mercredi à midi, entre autres. Assez fou. Vendredi 9h aussi en rediffusion et samedi à midi aussi en rediffusion. Son PP, laser. Yes. Donc, je voulais vous demander une question des plus sérieuses. Okay. Oui, évidemment, on aime ça. On va préparer notre voix sérieuse. vous faites votre émission à Choc. Vous la diffusez à CISM, si je comprends bien. Oui. Comment est-ce que ça s'est déroulé, le placement des stations? Comment est-ce que les gens ont commencé à vous adopter, à vous diffuser? Je te dirais, c'est un peu compliqué, ça. Ah, d'accord. C'est un peu compliqué. En fait, c'est être diffusé sur une radio, c'est comme coucher avec une femme. Puis quand on est diffusé sur une deuxième radio, c'est comme si on faisait de la polygamie. ça a été un peu compliqué au début. Mais non. Mais non, là, j'essaie de faire une belle histoire dramatique, là. Tu sais, je veux pas dire que ça s'est bien passé comme dans le bain, là. Non, non. Mais non, mais c'est certain, il y a certaines citations qui, entre elles, ont pas des très bonnes relations, mais habituellement, ça s'est bien fait. On a commencé par faire l'émission à Choc FM, ensuite, on s'est dit, on est bon, on l'était pas, mais on se disait qu'on l'était, puis on s'est dit, bon, on va faire des sous tout de suite, fait qu'on est allé, on a envoyé des démos dans des stations de radio, et il y a personne qui nous a pris. Sauf qu'on avait tellement travaillé fort pour le démo que lorsqu'on s'est présenté à CISM, avec ce démo-là, en fait, il faut qu'on les prenne, ces gars-là. Mmh. Fait qu'on, là, on a passé un an à CISM et à Choc FM. Choc FM est une radio, c'est la radio de l'UQAM, c'est une radio qui est strictement web. Donc, CISM se sentait pas nécessairement menacé par ça, vu qu'on était rien que sur le web. Et donc, ben, c'est ça, on a pris un an d'expérience, et là, à la fin de l'année, on a pris exemple sur MC Gilles, qui était sur plein de stations. Et les rongeurs du risque. Et les rongeurs du risque aussi, là, grâce à la CRU, la Coalition des radios étudiantes au Québec. On est entré en contact avec tout ça, on a envoyé des démos partout. Les gens nous ont aimés et ils ont décidé de nous donner une place sur leur case horaire. Donc, maintenant, on est sur 7 stations au Québec. On est très, très, très heureux de ça. Ça nous donne un bon rayonnement, en même temps, un bon feedback, ce qui nous permet d'améliorer notre émission, parce que le but, c'est toujours de faire la meilleure émission possible. Et le plus de feedback qu'on a, le mieux que l'émission s'améliore. Je dirais, ce qui a été facile aussi, c'est que c'est seulement 30 minutes, donc ça s'insère bien dans une case horaire. Puis c'est presque juste des chansons francophones, ce qui pose pas un problème au niveau des quotas musicaux. Donc, on prépare notre émission d'une demi-heure. On l'envoie partout au Québec par Internet. Tout le monde l'a fait jouer. Puis on est bien heureux de ça. Puis si vous l'aimez, mais tant mieux, hein, Colin. C'est le cas. On aime ça. Bon, tant mieux. Bon. D'où qu'on est flatté. Ben oui. Hein? On va avoir d'autres sujets de discussion tantôt, mais avant, on devrait écouter un petit sketch. Oui, ben écoute, moi, je vous propose d'écouter le premier... Les premières aventures de Jim et Bobby, les deux cellules. Les auditeurs de C'est fou ont pu entendre les aventures de Jim et Bobby, qui étaient deux cellules de peau de bouche. Et de jus de Nelly Arcand. Oui, oui, pour de être jus poli. D'intérieur de Nelly Arcand. Oui. Mm-hmm. Mais les deux, la première à l'origine. La première aventure, c'était une émission qu'on a faite sur la reconstruction non chirurgicale du prépuce. Ça, c'est les gens qui sont circoncis, qui souffrent de leur circoncision, peuvent se faire reconstruire le prépuce d'une manière non chirurgicale en tirant sur le... Vas-y, Mathieu. Oui, parce que moi, je suis circoncis, donc je peux bien en parler. S'il vous plaît. Ce qui est pas drôle avec les gens circoncis, c'est que le pénis frotte tout le temps dans les culottes sans protection, ce qui fait qu'il y a une perte de sensibilité. Mm-hmm. Et pour pouvoir retrouver cette sensibilité-là, les filles qui nous écoutent, les gars aussi, qui ont eu affaire avec un pénis circoncis, vont savoir de quoi je parle. Disons que vous voulez crosser un gars qui est circoncis, il y a toujours... Non, mais attends, il y a comme toujours un petit slack de peau qui est disponible, OK? Et il faut prendre ce slack de peau-là qui est à la base et le tirer par-dessus le gland et le maintenir. Avec du scotch tape. Et ce qui fait que c'est le même phénomène que quelqu'un qui grossit. T'sais, son ventre va pas, la peau de son ventre va pas devenir plus mince. Les cellules vont se régénérer, se multiplier pour être capable d'avoir un plus gros tissu. Comme et une image d'une ballonne. Lorsqu'on gonfle une ballonne, la ballonne, elle devient mince au fur et à mesure qu'elle gonfle. La peau fait pas ça. Quelqu'un qui grossit, les cellules se régénèrent, se multiplient et bon, la personne grossit. Donc, on voulait expliquer ça aux enfants. C'est-à-dire la reconstruction chirurgicale du prépuce. Quand on se met du tape, la peau va s'allonger. Et si vous voulez avoir des informations par rapport à la reconstruction non chirurgicale du prépuce, vous pouvez aller sur le site www.infocirconcision.com. Oui. Vous allez retrouver le journal de Stéphane qui pose son pénis à différents moments. Et c'est pas des farces, c'est vrai. Là. C'est vrai. Oui. Dur de différencier le réel du faux avec Bidon la question. Sketch tout de suite. Les aventures de Jimmy Bobby. Les deux cellules de peau de pénis. Salut Bobby! Salut Jim! Qu'est-ce que tu fous? Rien, je glande comme d'habitude. Ah ouais, super! Tu sais Jim, c'est ça la vie d'une cellule de peau de pénis. C'est pas compliqué du tout. Si tu supportes bien l'humidité et la noirceur, c'est facile. Mais tu trouves pas qu'on devrait avoir des meilleures conditions de travail? On n'est même pas protégé. Toute la journée, on frotte contre les caleçons du patron. Ah là là! Oh, mais t'es pas au courant, Jim? Mais de quoi parles-tu, Bobby? Le patron, il a décidé de se restaurer le prépuce d'une manière non chirurgicale, Jim. Non chirurgicale, Bobby? Bien sûr! Ah! Bobby, oh non, ça tire, mm-hmm. Je vais me briser en deux sous la pression, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais non, Jim, c'est pas compliqué, on n'a qu'à se multiplier, regarde, c'est facile. Et hop, je vais me multiplier, et hop, je me multiplie et hop, je me multiplie. Regarde, Jim, c'est facile, fais comme moi et hop. D'accord, je vais essayer. Je me multiplie et hop, je me multiplie et hop, je me multiplie et hop. Mais waouh, mais c'est merveilleux. Il y a plein de Jim et de Bobby avec nous. Je me multiplie et hop, je me multiplie. Tu sais, Jim, si le patron est persévère, nous serons un jour des cellules de peau de prépuce. Ah ouais, c'est super, on va tous se donner la main. Mais pourquoi le patron, il arrête sa restauration, subitement? Bah, je sais pas, mais... Tu sens l'odeur, Jim? Oui, on dirait que ça sent la mer. Oh! Regarde, Jim, là où on se dirige... Le grand plongeon! Ouais! Les aventures de Jim et Bobby. Les deux cellules de peau de pénis. Oh, c'est cool. Ah. L'écriture s'est raffinée un ça peu. Ça vieillit, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu celui-là, je m'excuse. C'est un autre sketch de Vidon Ladon la question. Avant de continuer avec les gars, Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault, bravo en effet. Voici les positions numéro 2 de nos palmarès. On doit avancer un petit peu de travail quand même. Du côté anglophone, c'est notre ami Steve Hill avec Devil at My Heels, l'ancien numéro 1. Mais tout de suite, voici les Psycho Riders. Et les GAFA, Psycho Riders, Psycho Billy, Psycho Riders. Yeah. Les numéros 2, les presque numéro 1 des palmarès, c'est fou cette semaine. On vient d'entendre Steve Hill avec Devil at My Heels, l'ancien numéro 1, 8e semaine de présence pour cette pièce de l'album qui s'appelle aussi Devil at My Heels. Et juste avant, c'était les Psycho Riders avec les Cafards, aussi ancien numéro 1. Donc on perd nos deux numéro 1. C'est-tu pas triste, ça? On en gagne des nouveaux, c'est ça qui est le fun. Ouh, tellement. C'est vrai, des pièces qui ont monté, on les entend plus tard. C'est parce que c'est tout ce qui nous reste à entendre comme pièce de palmarès cette semaine. Hein? Les numéro 1. Ben oui. Oh, c'est sommet. Ben c'est ça, mais écoute, ben, moi je regarde, je sais c'est quoi le numéro 1. Ah, tu sais, c'est quoi toi? C'est pas mal bon. Non. C'est pas mal bon. Ah oh, oui, tu le vois sur la feuille ici. Tu le vois sur la feuille là. Tricheur. Ah. Et on le dit pas? On le dit pas. On mettait le suspense. Donc, vous êtes au palmarès, c'est fou, l'émission qui vous présente un condensé de ce que c'est fou le meilleur à vous offrir. C'est demain, aujourd'hui, c'est tout en même temps. C'est la vie, c'est les palmarès, c'est fou. Vous êtes les palmiers, je suis Mathieu Plante, c'est les gars de Vidon, la loi la question. Mathieu Saint-Ange et le Carchambault. Oui. Ça va toujours bien. Ça va toujours oui. bien. Oui. Ils sont tellement contents d'être là. Oui. On est tellement heureux de vous avoir. Et je dis on étant une seule personne, mais quand même. On exclut la personne qui parle. Je pense que tu parles qui est content. La personne qui est content. Ah, c'est triste. L'ordinateur qui me parle, merci d'être venu. Donc, dans la question, l'émission d'humour extrême, comme ils le disent eux-mêmes, ça c'est les mercredis à midi, les vendredis à 9h et samedi à midi. Ils font bien leur travail, les petits garçons. Eh oui. Donc, numéro 1 plus tard, mais avant, là, on va écouter un autre sketch dans quelques secondes. Oui. Dans quelques petites secondes à peine. Mais avant, parlons de ce qui s'en vient là, pour Vidon à la question. Il y a Patrick Masbourian qui est bien intéressé par vous à Radio-Canada. Oui. Oui. Son émission, vous êtes ici. On fait 20h. Oui, on va aller passer. Vous avez entendu, si vous étiez à l'écoute des palmarès tout à l'heure, on a fait passer la masturbation mort à relais. Et puis, il veut faire passer ça. Ben, ça donne que la réalisatrice de l'émission Radio-Canada est tombée sur ce sketch-là et qu'elle a trippé raide. Et wow. Elle nous a invités pour le pilote de l'émission. Vous êtes chaque ici. Fois qu'il y avait un Chinois ou un Kurde qui venait, là, la grande... Elle se peut plus jusqu'aux oreilles. On n'en revenait pas. On a été convoqués dans son bureau. On est assis, moi et Mathieu, devant la madame qui me dit « C'est tellement drôle, la masturbation mort à la relais. » Je dis « C'est-tu vrai? » Puis on est dans le bureau de Radio-Canada. On va envoyer un démo à Radio-Canada. Ils vont rire. Puis finalement, ça a fait ses petits. Puis là, on est invité à la vraie émission. Et donc, c'est ça. Le 28 février prochain, je me lance un peu parce qu'il faut qu'on reconfirme avec la madame. Là, mais écoutez, ça devrait être ça. On risque de l'annoncer de toute façon à l'émission. Mais ça pour a pas l'instant, d'arriver. En tout cas, ça devrait être le 28 février. On va être à Radio-Canada. Pour présenter la masturbation vers la relais à Patrick Masbourian. Vous êtes bien avec des vedettes, donc Patrick Masbourian. Il y a aussi ma tante Frac qui participe à votre émission des fois. Ben oui. Ben oui, ma tante Frac. Ma tante Frac, c'est un peu comme notre tuteur de radio, tu sais. C'est comme notre. Ben non, mais c'est comme notre parent, tu sais. Ah oui? C'est comme on est les petits gars. On est ces petits gars, c'est notre ma tante. Et puis mes petits gars m'ont m'occupé de vous autres. Non, on a fait cuire son bébé sur Internet, vous pouvez aller voir ça. Si vous tapez sur YouTube à la Difracchio ou sur ton tuyau. À la Difracchio. Donc, Mathieu et moi-même, nous élaborons une recette de grilled cheese. Et Mathieu... qu'est-ce que tu veux, Mathieu? Ma tante Frac fait cuire son bébé. Oui. On est assez intime avec lui. Oui. Tout ça. Là, on arrive chez lui, on débarque. Salut, on s'en vient faire cuire ton petit. On se filme pour mettre ça sur Internet. Fait que c'est ça. Comment qu'on a rencontré ma tante Frac? C'est très drôle parce que dans notre deuxième, troisième émission sur le FM, on dit, bon là, tu sais, MySpace, on trippait en 2006 sur MySpace. C'est alors là, on va faire jouer nos amis MySpace. Donc, nos amis MySpace, écrivez-nous et demandez-nous de vous faire jouer. On va faire jouer parce que MySpace, c'est cool. MySpace, c'est hot. Donc, tout le monde qui nous écrive par MySpace, on vous fait jouer. Et là, ma tante Frac, mais t'es du ma tante Frac, là! Ah, il était gros harcelé. Finalement, on a fait jouer le pamplemousse et tout ça. Mais là, écoute, on va écouter un sketch à la place de parler de nous. Ah, hein. Oui. On va écouter un sketch qui est un hommage à François Pérusse qu'on a fait, qui s'appelle les Frères Poc. Et ça aussi, ça a été sur le blog de Patrick Lagacé. Hey, on va se botter la tête. Non, les gars, vous êtes partout. Oui. On a rencontré Patrick Lagacé au Radioton de CIBL et puis il a entendu nos sketchs et il a bien aimé ça. Wow. C'est super le fun. Ben, c'est super le fun. En espérant que vous l'aimiez aussi. Aussi fun que d'entendre le sketch-là. Là. Oui. Et voilà! La soirée des sports! Bienvenue, mesdames et messieurs, à la soirée des sports. Ce soir, les Blues de Saint-Louis affrontent les Coyotes de Phoenix. Et c'est une rencontre très spéciale ce soir, puisque, enfin, les trois frères Puck, Paolo Puck, Paul Puck et Bert Puck, partageront la patinoire ce soir. N'est-ce pas, Gilles? Oui, tout à fait, Jacques. Avec les Coyotes, on a Paolo Puck et Paul Puck. Tandis que chez les Blues, on retrouve leur frère cadet, Bert Puck. Et c'est le début du match. Mise au jeu gagnée du côté des Coyotes. Et c'est Paolo Puck qui s'empare de la puck. La passe à son frère Paul Puck. Oui, Paul Puck qui se remet d'une varicelle. Hein? Le chicken puck, on dit en anglais. Et là, Puck, Bert, celui-là, s'élance vers la puck, mais c'est hors jeu. Et il y a le coach des Blues qui a parlé très franchement à Bert Puck avant la partie. Et il lui a dit, quand on joue contre les coyotes, Bert Puck frappe plus tes frères Paul Puck et Paul Puck. Et ce n'est Puck que Bert Puck n'aime pas ses frères Paul Puck et Paul Puck. Mais Bert Puck a répliqué, oui, je vais frapper mes frères Paul Puck et Paul Puck plus. Bert Puck qui n'est définitivement pas un chicken, hein? Oh non, ce n'est pas ça. Puck. Reprise du jeu, dégagement. Dis-moi, Gilles, les frères Puck ont grandi où déjà? À la Puck, 4 tiers, ma mémoire est bonne, Jack. Oh, et là, c'est un slap shot de Bert Puck et c'est Paul Puck qui reçoit la Puck d'en face. Il va avoir une Puck demain matin. Oh, et là, Ed Jovanovski qui donne du coude le long de la bande. Et Jovanovski qui est d'une grande générosité. Justement, ce matin, il a donné un peu de sang à la Croix-Rouge. Oh, et l'arbitre siffle, c'est l'arrêt du jeu, il a eu passe avec la main. Et l'arbitre qui tend une boîte de Kleenex à Doug Wade pour qu'il essuie les dégâts qu'il a fait dans ses culottes. Quel geste vicieux de la part de Doug Wade. Oui, on ne devrait pas avoir droit de faire des passes avec la main. Comme ça, c'est la mise au jeu. C'est Kachuk qui s'oppose à Doan. Et Kachuk qu'on chasse de la mise au jeu. Ouh, c'est un peu sauvage. Alors Kachuk qui est remplacé par Caria, qui gagne la mise au jeu, remet derrière, et le défenseur dégage. C'est vrai qu'il dégage, le joueur des Coyotes, ça pue jusqu'ici. Pendant ce temps, Paolo Puck s'échappe avec la Puck. Puck passe Bert Puck, passe la Puck à Paul Puck, qui la passe à Paolo Puck, mais c'est intercepté par Bert Puck. Les trois frères Puck sont sur la glace. Et Bert Puck toujours qui se retrouve en zone neutre, c'est-à-dire en Suisse. Il perd pas de temps traversant son adverse, c'est-à-dire en Irak. Il tire, et le gardien Tellquist qui arrête la rondelle avec sa mitaine. Oh, c'était pas évident ça. Oui, ça lui a fait très mal, et on comprend toujours pas pourquoi Tellquist s'obstine à jouer avec une mitaine au lieu d'un gant de goaler. Oh, et c'est l'arbitre qui va sévir, c'est David Perron qui est comme d'une pénalité pour avoir retenu. Oui, mais c'est toujours mieux que d'avoir pogné une pénalité pour s'être lâché, Jacques. Tout à fait, Gilles. Bon. Et oui, Jacques, parlant des Blues, cette année, ils essaient une nouvelle gamme de chandails. Ils ont des chandails musicaux. Et pendant ce temps que je reprends... Ah, alors, quand on appuie sur le numéro derrière le chandail du joueur, il y a une toune qui part. Oh, et attention, justement, il y a un joueur des Blues qui s'apprête à se faire plaquer par derrière. On va peut-être entendre un exemple. Et voilà, c'est bel et bien du blues que les Blues ont choisi comme chanson pour un chandail musicaux. Oh, et là, Kapanen s'en perd la rondelle. La change pour une frite. Ajoute une root beer et il s'en va avec son trio s'asseoir au bar car l'entraîneur amène des changements. Et c'est le trio de Paolo Puck qui revient sur la glace, Paolo Puck qui tente de tout faire le travail tout seul. Pas pour rien qu'on le surnomme le mangeur de Puck. Non, ce n'est pas pour rien. Et sa femme, qui s'est tapée deux des trois frères Puck, est également surnommée la mangeuse de Puck. N'empêche que Paolo Puck a marqué 35 buts l'an dernier. Oui, son arrivée à Phoenix marque vraiment le début d'une nouvelle époque. L'époque Paolo Puck, comme on l'appelle dans les médias de Phoenix. Et là, c'est lui qui est derrière le filet. Il enfile l'aiguille, tricote bien, fait la fin de la machine à coudre. Paolo Puck, toujours quel joueur ce Paolo Puck. Mais il est arrêté par la défensive adverse. On se bouscule autour du filet. Et il y a même empilade, là. Les joueurs s'écrasent les uns sur les autres. Et c'est la cacophonie, évidemment, avec les chandails musicaux des Blues. Et là, début de bagarre, King qui jette les gants. Et oui, ces gants qui étaient pas mal finis, hein. Il était temps qu'il s'en achète des neufs. Et on attend la confirmation de la punition par l'annonceur maison. Qui devrait sortir de chez lui, parce qu'on l'entend pas fort ici à Phoenix. Et là, c'est qui? C'est Shane Doan, le capitaine des Coyotes, oui, qui est en discussion avec l'arbitre. Shane Doan qui joue blessé, n'est-ce pas, hein? Oui, tout à fait, Jacques. Une grosse blessure à l'amour propre, hein? Il donnait une conférence dans une école primaire, il a éternué un gros morvia et atterri sur directement sur le micro, les enfants ont beaucoup ri. C'est difficile de se remettre d'une blessure comme ça. Oh, et là, c'est un joueur des Coyotes qui s'en va tout seul à toute vitesse! Le Coyote qui est dépassé par le Roadrunner! Et oh, le joueur des Coyotes qui fonce dans la bande, et la bande s'écroule sur lui, et là, il y a le tableau indicateur qui se décroche, qui lui tombe direct dessus, et bien, il a joué de malchance sur cette séquence, et ça coïncide avec la fin de la période. Oh, il regarde Jacques, qui s'aperçoit dans les gradins, hein, et qui ont fait un grand clin d'œil. Oh, mais c'est François Pérus! Les gars connaissent tellement leurs sketchs qu'ils les disent par-dessus ici en studio, c'est beau. Si on l'a pas entendu 300 fois, on l'a pas entendu. C'est certain. De tout palmarès, c'est fou, l'émission de demain aujourd'hui avec les gars de Vidon dans la question. Ici Mathieu Saint-Onge, Jacques Archambault, moi c'est oui. Mathieu Plante, bonjour à vous. Ben rebonjour à toi Mathieu. Bonjour les palmiers à la maison, dans oui, l'auto. Palmiers. Parce que c'est des palmiers, puis toi, t'es la plante. Palmarès, palmiers, moi, c'est plante. T'as tout compris. Badaboum, badaboum, là, c'est une émission dangereuse. Écoutez, en auto, ça, dans la question, n'est-ce oui. pas? Ben, ça aurait l'air. Il y a des gens qui se sont plaints. Là. Il fallait faut que se concentrer. C'est ça, il faut que je m'arrête sur le bord pour rire la joke. T'sais, puis... Oh! Oh, quel beau moment. On se croit. Ouais. C'est correct de se croire. C'est pendant un peu, dans le fond. Un petit peu, ouais. Mais il faut pas qu'on le devienne. Non. On a beaucoup, beaucoup de plaisir et je vais avouer que ça fait tellement du bien d'entendre des gens qui rient. Ça fait tellement du bien d'avoir du monde qui nous écrive. C'est juste plus encourageant. On a du fun, mais on veut continuer à avoir du fun. Et c'est ça qui est important, tu sais. On est bien content de ça, c'est clair. On est tout excité. Vous avez l'air humble devant ces millions de gens là, qui rient. Millions. De vos. Ben, des gens. Oui. Des gens qui vous écoutent. Oh, mais ils valent tellement, ces auditeurs-là, qui comptent comme des millions. Là, c'est ça, on ne les voit plus, là. C'est arrondi un petit peu. Donc, j'écoutais l'émission de ce matin, là, ben, en tout cas, celle qui vient de jouer cette semaine, là, oui. Malade par le son. Vous avez des personnages récurrents, là. On a entendu des voix qui, en tout cas, je ne sais pas si c'était des personnages en tant que tels, mais qui ressemblaient à des personnages, et ça m'a fait penser à ça, là. Quels sont vos personnages préférés de Vidon la question? Les Ratel, peut-être. Ben oui, c'est clair. Robert Ratel qui parle comme ça. Oui, bonjour. L'avantage avec Robert Ratel, c'est que quand on parle comme ça, tout passe. Tu sais, je pourrais te dire, toi, salut Mathieu, j'aurais le goût de juste te toucher un peu dans le cou. Là, je m'approche. Tu peux pas faire comme arrête parce que t'es comme interrogé, curieux, tout ça. Et puis j'ai pu dire des affaires à des filles, là, ça avait pas de classe. Je suis à côté, juste parce qu'ils parlent de même. À un moment donné, je m'en allais faire un trip à trois avec le guitariste de mon band, puis la fille là, qui couchait avec. Ah, pas puis je suis arrivé, mais j'étais bien sous, tu sais. Ben, un trip à trois, ça sert. Alors, il s'est pas passé grand chose. C'était trop drôle pour que j'embarque, mais je me suis dit, bon, pour embarquer, quel genre d'approche je vais faire? Puis je me suis dit, je vais prendre le personnage de Robert Rattel, là. Toc, toc, toc. Oui, bonjour, je pourrais-tu me joindre à vous? On dirait que comme ça, j'ai été capable de le dire. Oh, wow. Fait que ça, c'en est un qui revient. Il sert à tout, celui-là. Il fait même des appels téléphoniques. Oui. Il résout des problèmes. Il résout des questions lui-même, dans le fond. Oui. Il vide des questions lui-même. Et puis, il est très agréable à faire, ce personnage-là. L'idée de vider des questions, là, ouais. Ça a dû venir à quelque part, ça. Vider une question. C'est quelle idée, vider une question? Ben ouais, ben ça c'est. Ben c'est moi. C'est toi et ça. C'est moi qui ai inventé ça parce que j'étais le premier à faire vidon là-dedans la question au départ. Puis j'étais tout seul à faire une émission de radio qui s'appelait Le Barbier Guy. C'est un peu veg. Puis là, j'ai comme eu l'idée un moment donné de me dire, je faisais de la radio sur Internet, il y a personne qui écoutait. Je me suis dit, je vais inventer des auditeurs qui me posent des questions, puis moi je vais vider leurs questions. C'est devenu ça, vidon là-dedans la question. Et la première émission que j'avais faite là-dessus, c'était sur l'autofellation. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que les enfants... Bravo. Est-ce que c'est nécessaire... Oui, bravo. Est-ce que c'est nécessaire de s'enlever des côtes pour être capable de se faire une fellation à soi-même? Parce test en direct à la radio, j'imagine, non? Non, j'ai écrit une chanson, exactement. Je sais pas, c'est quelque chose qui me vient souvent, là, expliquer aux enfants ce genre de phénomène. Donc, j'avais écrit une chanson là-dessus. Là, j'avais joué ça, puis il y avait le directeur de la programmation qui était de l'autre bord, qui m'a vu. Aussitôt que je passais en chanson, il est rentré dans le studio et dit « Ça, c'était limite. Ça, borderline. Ça, c'était borderline. » Ça, moi, j'ai bien aimé ça, justement, d'avoir une réaction. Puis avec Mathieu, lui, il est arrivé avec... On dit, c'est bon, vider une question, mais on va utiliser plein de vidages différents. Oui. Mais là, c'est s'est mis à... Vider par le jeu radiophonique, vider par des appels, vider par des récits, tout ça. Donc, c'est des moyens de prendre un thème puis d'aller le déconstruire de plein de façons. T'sais. C'est fort. Oui. Je parlerai avec vous pendant 2 heures. Ben là, disons 4 heures. Faut qu'on fasse jouer encore les numéros 1 que nous, les numéros 1 qui ont fait. Oui, le palmarès de C'est fou. C'est génial, les numéros 1 des palmarès C'est fou. La semaine passée, les numéros 1, c'était les Psycho Riders. Et puis Steve-Hill, cette semaine, on les nomme pas. Pourquoi? On les fait pas jouer? Oui, mais on les nomme pas. Oui, mais je me le sens les entendre, moi. Le général Tao qui a beaucoup d'émotions. Hop! Oh. Ah, ça, c'est ma tonne préférée. Oh, moi aussi. Daniel Arrête. Laisse pas là, y'a pas ma piste de damn get up. Laisse pas là, j'passe pas mal de temps punch up. Laisse pas là, ma vie est pris une drop. Laisse pas là, ça va mal la shop. Laisse pas là, y'a pas ma piste de damn get up. Laisse pas là, j'passe pas mal de temps punch up. Laisse pas là, ma vie est pris une drop. Hey, le gros, t'aurais pas de code de pièce à me poser. J't'en marche coucou, j'suis même pas capable de payer le loyer. Il me reste plus une maudite jusqu'à la fin du mois. Tu sais, colle-moi sur le chômage, j'vois pas chez loin que ça. J'arrive du bounce. J'dois t'aller vendre. Pour mon moment, faut bien survivre en attendant à chaque round. Faut que j'bois de la bière, que j'chante un peu, pis j'm'alimente. Que j'fume une coupe de pas de weed pour arriver à me détendre. Dans que la chance fasse ton extension. Dans que la chance fasse ton extension. Ça va attendre, si je rallonge, j'y vais comprendre. Alors on se bat, jouer qu'à 100 tranches. Pense à veille de pogne un pays, j'puis me mettre avant. J'ai guéri de faire le marre de check et cash. J'en vais chercher par tout le monde, partout, tous les bars. Tous les jeunes que de 1000 ont de la théâtre. Et finalement, j'ai pas de mots de seul qui m'adore. Laisse pas là, ça va mal la chat. Laisse pas là, y'a pas ma piste de dame get up. Laisse pas là, j'pense pas mal de temps par job. Laisse pas là, ma vie a pris une drop. Laisse pas là, ça va mal la chat. Laisse pas là, y'a pas ma piste de dame get up. Laisse pas là, j'pense pas mal de temps par job. Laisse pas là, ma vie a pris une drop. En ce moment, j'aime en bas de la pente. Quand ça sonne à porte, check par la fange. M'attends ce que les chalocs. Personne descend, que le propriétaire défonce. Pis qui rentre, le menace de faire couper les traces. Moi, le show augmente. J'ai plus combien de chèques en black. Y'a rebondi sa banque. Les huissiers peuvent saisir. Y'a rien à prendre. Je veux juste qu'on m'aide un peu. Que je puisse me reprendre. fasse ton extension. Hey, c'est beau. Ah, dans ma mêle. Tu m'as pas oublié, là? J'ai pas ton cash, là, mais faudrait que tu me rappelles. Demain. One main. Essayez de faire ta place à Montréal, pas de cash. C'est comme péter le 120 en moto, pas de cash. T'as ton vieux linge, prends un tonon, mais non, pas de cash. Ça parle de toi sur Internet dans tous les podcasts. Wow, si tu pensais partir dans le sud cette année, j'pense pas que casser ton cochon, c'est assez. Oublie pas que l'argent, tu me dois, c'est à moi. Ah, amène-moi les ch'tanis. Pound shop, pound shop, pound shop. Le cuir! Tu peux tout régler avec le cuir! Tu peux régler le problème de la pénurie de médecins dans nos régions! Hey, il paraît qu'ils ont trouvé le moyen d'attirer des médecins spécialistes en Gaspésie. Comment ils vont faire ça? Ben, les infirmières gaspésiennes, ils vont leur donner un soude de cuir. Le cuir règle le problème de la qualité du français dans nos écoles. Bon, là, je viens de lire vos dictées, là, pis c'est pas bon. Le prochain qui m'écrit sa dictée comme s'il était en train de chatter sur MSN, je pogne la tête, je mets une cagoule de cuir, puis il passe le reste de la journée avec la cagoule de cuir sur la tête. Tu peux régler le problème de la sécurité de nos infrastructures grâce au cuir. OK, on va commencer l'assemblée municipale. Premier point à l'ordre du jour. La population a peur que le viaduc s'écroule à cause des craques dans le béton. Après la couverture de cuir! Et finalement, grâce au cuir, on peut décourager les immigrants de s'installer au Canada! Bonjour à vous, chers immigrants. Bienvenue au Canada. Voici un petit film documentaire sur la communauté cuir qui habite dans le quartier où vous allez déménager. Ah. Ouais, mon petit esclave à quatre pattes que je te fouette. Ah, fais-moi mal, Bob. Ah ouais, dis-le que t'aimes ça. Et bon, puisque vous déménagez dans un pays où il y a deux langues officielles, on doit vous le faire repasser en anglais cette fois. Come on, you little slave, on your knees, so I'll whip you. Oh, Bob, hurt me, Bob, yes, with your fist and your letter. Le cuir! Troy Green. Well, ça a explosé dans ta radio. Dans ton radio. Ton radio, excusez-moi, j'ai pas les références totales. Numéro 1, donc, des palmarès, c'est fou, c'était The Hives avec Tic Tic Boom. Avant ça, on a entendu le numéro 1 franco, c'était Gatineau et Pawn Shop. Avant ça, les numéros 2. Hein? Numéro 2 anglophone, Steve Hill, Develop My Heels. Numéro 2 franco, les Psycho Riders avec les cafards. Et les troisième position, est-ce que tu veux les faire, les positions numéro 3? La troisième position ici, j'ai les 4 sentiments avec Sabrina. Et également, sur le palmarès anglo, troisième position, The Figurines et A Girl. C'était un honneur de recevoir les gars de Vidon Adore la Question pour une grosse partie de l'émission cette semaine. Ben oui, c'est un honneur d'avoir été reçu et d'être diffusé sur vos ondes. C'est un très beau moment qu'on vient de vivre. Oui. Ah, j'aimerais ça qu'il dure plus longtemps. Hein, mais bon. C'est bien. Je vais avoir des exclusivités, des sujets qui s'en viennent. Là. Vous avez des préparations déjà commencées pour des sujets à venir? Oui. On veut pas vendre les punchs, mais on travaille sur une émission, on travaille sur un projet d'émission, peu importe, on travaille sur un thème, sur les changements climatiques, mais à notre sauce, à nous, et également l'intolérance raciale. Dans cette émission sur les changements climatiques, on devrait avoir d'autres personnes qui vont se joindre à nous pour participer, entre autres pour faire des compositions musicales originales et peut-être essayer d'avoir plusieurs intervenants du milieu, parce que nous autres, on n'a pas le temps de faire de recherches. Je pourrais essayer d'avoir des entrevues avec des gens. Mais il y a du monde qui sont intéressés à travailler, puis à joindre à l'équipe, puis aller chercher à amener une autre dimension à Vidon Ladon, puis ça risque de se faire autour des changements climatiques, en tout cas dans une émission en particulier, mais on veut pas trop se mouiller, puis on l'a déjà fait assez. Quelque chose que vous savez qui s'en vient, c'est l'émission de la semaine prochaine, parce que vous l'avez fait live il y a quelques... ce matin. On l'a fait durant toute la semaine et on a fini ça à 6h du matin, jeudi matin. Et c'est quoi le thème? C'est l'enseignement au Québec s'en va-t-il chez l'IARB? Oh! Et là, on va parler de ça, on va avoir des intervenants qui vont nous expliquer pourquoi, parce que la réforme est basée sur des concepts constructivistes, et puis pourquoi finalement que les constructivistes, ça fait que ça marche pas. En tout cas, je peux pas vendre les punchs. Faut pas vendre les punchs. Non. Ce qui s'en vient aussi, on va avoir des petits spectacles, mais là, ils vont être à Montréal, les spectacles. Alors, si vous voulez descendre à Montréal, venir nous voir, on va être le 1er mars au Bistrot Sanguinet, au coin Sainte-Catherine et Sanguinet. Dans le cadre de la Nuit Blanche. La Nuit Blanche de Montréal. Et le 4 mars au pub Saint-Cyboire, sur la rue Saint-Denis. Sur la rue Saint-Denis, entre la rue Ontario et la rue Sainte-Catherine. Vous tapez pub Saint-Cyboire, il y a les mardis de l'humour, on va aller faire un numéro là. Si vous voulez venir nous voir. Un petit PowerPoint. Éducatif pour adultes seulement. Et voilà. Public averti. J'aimerais bien voir ça. Vous allez être à Trois-Rivières un jour, j'espère bien. Oui, tout à fait. Invitez-nous, là, quelque part, dans quelque chose, avec des collaborations avec du monde, là. Là, vous écoutez la radio, vous avez un bar, vous l'avez envie dans la danse chez vous, vous appelez à la station, c'est fou, et ils vont commencer avec nous, et on va venir. Oui, tout à fait. Très bien dit, d'ailleurs. Belle articulation. Bravo. Bien joué, bien joué. J'aurais peut-être pu le faire en Daniel Aratel. S'il vous plaît, faire en sorte que je puisse venir à Trois-Rivières faire un spectacle. Ben moi, je vais te dire, Anjou et Paul, qui serait temps qu'on passe en chanson. On entend-tu du Simple Plan? Hey, Simple Plan dans le spécial, dans l'émission du gars qui tapait de la porno sur Internet. Puis que, est-ce que vous faites du Simple Plan avec les voix en chant dans le spécial de fin d'année? Référence par rapport. Vidon la question, si vous voulez écouter ça à la maison, là, les heures, c'est quoi donc? Là, assez fou, c'est le mercredi à midi, le vendredi à 9h et le samedi à midi. Si vous allez à Québec, on joue aussi à Chase le samedi à 10h30. Et bon, à Montréal. Disponible en tout temps sur le cyberspace au www.choc.fm ou myspace.com/vidon-la-don-la-question. Il n'y a pas de C à don. Sinon, le monde fait vidon la don la question. Ça marche pas. Vidon la don marche pas. Bon, donc, question de vous mêler encore plus. Moi, je vous retrouve à la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo, les jeudis à 11h et mardi à 9h. Je vous retrouve aussi au poste d'écoute, les vendredis matin à 10h, samedi, mardi à 13h. Mais il est partout. Les palmarès, c'est fou, sont en direct tous les vendredis soir à 17h. On rappelle les mercredi à 13h. Restez là parce que Key One s'en vient avec l'émission La Dernière Porte à Gauche à partir de 20h les vendredis soirs. Si vous êtes un autre jour, restez là. Pareil, ma gang de France, une émission qui s'en vient. Et voilà. Merci les gars de Vidon Ladon, je vous remercie vraiment sincèrement. Merci Mathieu. Merci plaisir. À tout le monde. Mathieu Saint-Onge, Luc Archambault. Yes. Faites attention à vos genoux. Oui. Bonne soirée et bonne chance. Bye bye. Bye. Salut là. Salut. On se quitte avec une pièce de ma tante Frac là. Oui, lettre à un cowboy. Lettre à un cowboy. Right now dans ton radio. Dans une chambre sans projecteur, j'écris une lettre avec mon cœur. Ce soir ma vie n'a plus de chaleur, mes yeux n'ont plus la même couleur. Depuis que je t'ai